Merci Mathieu Guérigou-Lagrange. Pour notre quatrième table ronde de fin d'année sur l'avenir des sciences, sur ce qui adviendrait le jour où, eh bien, nous allons replier l'espace-temps. Nous allons aller de l'infiniment grand à l'infiniment petit, remonter aux origines de l'univers lorsque le temps était une dimension de l'espace et nous interroger sur l'arlésienne de la physique contemporaine, ce après quoi courent tous les théoriciens dans l'espoir d'arriver à unifier la physique, la théorie du tout, la gravitation quantique ou l'unification des quatre forces fondamentales. Que se passe-t-il le jour où la timbale est décrochée? Quels nouveaux horizons s'ouvriront à la physique, à notre compréhension de l'univers? Mais le sera-t-elle un jour? Théorie du tout ou rien, c'est l'hypothétique problème qui va nous occuper les méninges dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour examiner ce problème, qui est aussi complexe que passionnant, faire l'état de nos connaissances actuelles, mais aussi un peu de prospective, nous accueillons, comme tout au long de la semaine, eh bien, des scientifiques et des auteurs. Et c'est avec grand plaisir que nous retrouvons aujourd'hui Carlo Rovelli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous en duplex depuis Venise, chanceux que vous êtes. Vous êtes directeur d'une équipe de recherche de gravitation quantique au sein du Centre de physique théorique d'Aix-Marseille Université, l'un des pères de la théorie de la gravitation quantique à boucle, auteur notamment de L'ordre du temps, c'est chez Flammarion. Bonjour Nathalie Deruel, bienvenue à nouveau. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche émérite au laboratoire astroparticules et cosmologie de l'Université Paris Diderot, également chercheuse affiliée au Yukawa Institute, c'est à Kyoto. Au Japon. Et rebonjour Laurent Genefort. Bonjour. Vous êtes auteur de science-fiction, notamment du célèbre cycle d'Omal, séché de Noël et Folio SF, mais aussi de Point Chaud, c'est aux éditions du Bélial et au Livre de Poche. Alors, l'objectif de ces émissions est de lancer des passerelles entre le présent et le futur, entre l'actualité de la recherche et puis un peu de prospective, mais aussi entre la science et la fiction, de travailler dans le sens de la prospective tout en gardant les pieds bien ancrés dans le réel. Et cette idée de la gravitation quantique, d'une théorie du tout qui ouvrirait les portes d'une nouvelle physique, d'une meilleure compréhension, notamment des débuts de l'univers, de ces objets qui passionnent la science-fiction, les trous noirs et plus encore cet objet hypothétique que sont les trous de verre. Je vous propose pour commencer d'écouter cet extrait d'un très joli et mélancolique film qui s'appelle Donnie Darko par Richard Kelly. Écoutez, c'est un cours de physique un peu particulier. Monsieur Vanitoff. Donnie. Je sais que ça va vous paraître bizarre, mais est-ce que vous connaissez quelque chose au voyage dans le temps? Un trou de verre avec un pont Einstein-Rosen, qui est, en théorie, un trou de verre dans l'espace contrôlé par l'homme. Donc, d'après ce qu'affirme Hawking, un trou de verre peut parfaitement fournir un raccourci qui permette de relier deux régions éloignées de l'espace-temps. Donc si on veut remonter dans le temps, il faut avoir un super vaisseau spatial ou un truc qui fonce plus vite que la vitesse de la lumière. Théoriquement. Et qui puisse être capable de trouver un trou de verre. Ce sont les principes de base du voyage dans le temps, oui. Tu as ton vaisseau et ton portail, et ton vaisseau peut être tout ce que tu veux, mais généralement c'est un vaisseau spatial. Comme une DeLorean. N'importe quel vaisseau en métal. Oh, j'adore dans ce film la façon dont c'est tourné. C'est tellement... futuriste, hein? Écoute, mais ne dis à personne que je t'ai donné ça. La femme qui l'a écrit enseignait ici. Elle avait vécu comme bonne sœur pendant des années, puis du jour au lendemain, elle est devenue une personne entièrement différente. Elle a définitivement quitté l'église, elle a écrit ce livre, et s'est mise à enseigner les sciences, ici à Middlesex. La philosophie du voyage dans le temps. La philosophie du voyage dans le temps, c'est toujours un peu une quête mystique, hein, cette quête du trou de verre, de traverser l'espace en un temps record, remonter le passé. Quel est votre regard scientifique? On entend plein de choses, Einstein-Rosen, Hawking, c'est-à-dire que tout ça c'est un peu science-based, mais c'est évidemment de la fiction, Nathalie Deruel, sur cet extrait. Vous voulez mon opinion sur les trous de verre? Ils ont fait couler beaucoup d'encre, c'est certain. C'est vrai que Einstein et Rosen en ont parlé en premier dans les années 30. C'est plutôt Kip Thorne que Stephen Hawking qui a développé l'idée récemment. C'est un peu contraire aux lois de la gravitation d'Einstein. Dans la gravitation d'Einstein pure et dure, on peut tomber dans un trou noir, mais de là à sortir dans un autre univers, si c'est un trou noir sans rotation, c'est pas possible. Si c'est un trou noir en rotation, c'est éventuellement possible, mais en fait, on s'est aperçu que l'intérieur était instable, et donc on n'y arriverait pas. Mais c'est une façon magnifique d'explorer une théorie. C'est très important de pousser les théories dans leur dernier retranchement, et les trous de verre ont été très utiles pour mieux comprendre la relativité. Carlo Rovelli. Oui, je suis d'accord avec Nathalie complètement. On fait un peu de confusion. D'abord, c'est effectivement c'est Kip Thorne, c'est pas Stephen Hawking qui a exploré ça. Et un deuxième, moi, je ne m'attends pas que nous puissions construire des trous de verre et remonter dans le temps dans ce sens-là. On a une théorie qui marche très bien, qui est la relativité générale d'Einstein. On connaît ses limites exactement parce que elle ne décrit pas les aspects quantiques de l'espace et du temps. Mais je ne pense pas que les aspects quantiques du espace du temps puissent nous permettre de faire ça. J'ai une remarque sur l'introduction que vous avez faite, si je peux. Bien sûr. Je ne crois pas dans la théorie du tout, dans la théorie unifiée, et je pense qu'il y a dans le discours commun une confusion entre deux significations de théorie unifiée, qui sont très, très différentes l'une de l'autre. Un problème, c'est l'unification des quatre forces, de toutes les particules qu'on connaît, dans une seule théorie, comment je pourrais dire, monoculturelle, générale, de laquelle tout pourrait suivre. Une question différente, c'est le fait que dans la physique d'aujourd'hui, ce que nous savons sur la gravité, sur l'espace et sur le temps, ne colle pas avec la mécanique quantique. Donc là, il y a un problème ouvert, qui est le problème que ne nous permet pas de comprendre qu'est-ce qui se passe au trou noir dans le futur, qu'est-ce qui se passe au Big Bang, et c'est le problème de la gravité quantique. Mais le problème de la gravité quantique, ce n'est pas le problème des unifications des quatre forces. Il faut pas faire confusion entre deux choses. Unifier la théorie d'Einstein avec la mécanique quantique, ça veut dire reconstruire une harmonie dans notre connaissance du monde où il y a des théories différentes qui ne sont pas en contradiction. Ça ne veut pas dire nécessairement faire la théorie unifiée de tout. On va revenir justement sur cette différence qu'il peut y avoir entre l'unification ou la quantification de la gravité et l'unification de la relativité générale de la mécanique quantique. Peut-être un mot que tout de même avec Laurent Genefort. Non, pardon. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose. Alors, oui, c'est la même chose. Donc, un problème, c'est gravité et quantique. Ça, c'est un problème. D'accord. Et ça, c'est le problème de la gravité quantique. C'est une unification quand même. C'est une unification de mécanique quantique et gravité. Ça, c'est une, gravité quantique. Deux, séparé, c'est la théorie de tout, une seule équation qui décrit tout. D'accord. Ce sont des choses très différentes. Bien sûr. C'est aller un peu vite de parler de théorie du tout pour parler de gravitation quantique. Exactement. L'idée étant d'unifier la physique et d'unifier ces deux grandes façons de décrire le réel que sont d'une part la relativité générale. Exactement. Et d'autre part, c'est l'expression théorie du tout qui vous plaît pas, en fait, Carlo Rovelli. Non, c'est pas une question de plaire. C'est la confusion que de problèmes différents sur lesquels, de problèmes scientifiques différents. Un problème, c'est de mettre d'accord deux frères qui se parlent pas. Un autre problème, c'est d'avoir une seule équation générale qui décrit tout. Ce sont des choses... Par exemple, aujourd'hui, nous avons les trois forces, on oublie la gravité, non ? Nous avons une théorie qui est le modèle standard, qui n'est pas du tout théorie unifiée. Ça unifie l'électricité avec la force faible, mais ce n'est pas du tout un modèle unifié. On a la force forte qui est décrite par des autres objets. Et ce n'est pas une théorie unifiée. Mais ce sont des théories qui vont bien d'accord entre eux, il n'y a pas de clash. Donc on peut ajouter la gravité à ce cadre et faire une théorie cohérente sans avoir besoin d'avoir une seule équation qui décrit tout, la théorie finale, la théorie du monde, la théorie du tout. Alors, on va plutôt parler au cours de cette heure, plus que de théorie du tout, d'unification de la relativité générale et de la mécanique quantique. Mais je me retourne vers Laurent Genefort. On manipule des concepts qui sont les concepts fondateurs de la physique contemporaine. Comment est-ce que la fiction peut s'approprier? Il y a tout un mouvement qui s'appelle de hard science qui s'inspire de ces théories-là. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est concept facile à manipuler en fiction? Alors non. C'est le problème, en fait, de la physique moderne, très moderne, c'est que c'est de plus en plus abstrait. Mais de temps en temps, justement, on a des objets spéculatifs très intéressants, comme le trou de ver, justement. Et la SF, elle adore les trous de ver, précisément parce que c'est des objets. Donc on peut manipuler beaucoup plus facilement, on peut le visualiser beaucoup plus facilement qu'une théorie, en fait. Et nous, ce dont on a besoin, c'est d'images. Il faut pouvoir se le représenter. Un trou de ver, il va représenter une image de la relativité générale, enfin des problématiques modernes de la science. Et c'est en ça que c'est intéressant. Nous, on ne prend que certains aspects du trou de ver, ceux qui nous intéressent. En l'occurrence, pouvoir aller dans n'importe quel point de l'univers en utilisant ces raccourcis de l'espace. Donc, on les utilise. Ça ne veut pas dire forcément qu'on les traite. Moi, par exemple, dans mes space opera, j'avais besoin de modèles de trous de ver particuliers. C'est-à-dire C'est-à-dire un trou de ver qui soit macroscopique, d'abord, pour pouvoir laisser passer un vaisseau spatial, par exemple, qui soit stable, qui soit sans singularité au centre, qui détruirait le vaisseau, qui soit pas trop long non plus, pour qu'on puisse faire un voyage de quelques mois ou quelques semaines maximum. Donc, voilà. Donc, on a comme ça des impératifs narratifs qui font, on tord le trou de ver à notre guise. Mais c'est intéressant aussi dans les hypothèses de la science, c'est que elles se tordent aussi aux besoins humains d'une certaine manière. Le modèle de Thorne et Morris, qui est justement ce trou de ver stable, etc., sans singularité, c'est comme s'il avait été fait pour nous d'une certaine manière. Nathalie Durwell, je vous vois approuver. Oui, vous avez dit quelque chose que je trouve très beau, c'est-à-dire qu'on a besoin d'images, mais pas uniquement les lecteurs de science-fiction, également les scientifiques. Et les physiciens, un de leurs grands rôles, c'est de faire parler les théories, d'en faire sortir des images, des concepts qui finalement finissent par s'ancrer dans la réalité, dans nos mentalités, dans notre culture. Et vous parlez des trous de ver, mais le premier exemple, ce sont les trous noirs. Oui. Hein, qui sont sortis de la relativité générale, et Einstein lui-même n'était pas tellement sûr que cette théorie puisse enfanter des concepts, des idées si différentes de ce qu'on avait conçu avant. Les ondes gravitationnelles en sont un autre exemple. Et dans le cadre de la mécanique quantique que l'on va chercher à unifier dans cette émission, eh bien, des photons ou des particules qui passent par un trou ou pas dans ou l'autre et qui passent par les deux trous et qui finissent par se interférer sur un écran, ça aussi, ce sont des images qui ont été très prenantes pour l'imagination. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous allons tenter tout au long de cette heure donc de comprendre, d'unifier la physique, d'unifier la relativité générale d'une part et la mécanique quantique de l'autre, en compagnie de Carlo Rovelli qui est avec nous en duplex depuis Venise, Nathalie Durwell et Laurent Genefort ici à la Maison de la Radio à Paris. Peut-être pour commencer, est-ce que c'est une question alors peut-être un peu personnelle que je me pose, mais c'est la fin de l'année donc j'ai le droit de me poser des questions un peu plus personnelles que d'habitude. Qu'est-ce que c'est que cette hubris de la physique à vouloir tout unifier finalement, Carlo Rovelli, si ce modèle-là, il fonctionne, si la relativité générale fonctionne, si la mécanique quantique fonctionne, si on a eu des preuves expérimentales et observationnelles de part et d'autre qui confirment ces deux pans, ces deux piliers de la physique contemporaine, pourquoi est-ce qu'il faudrait à tout prix vouloir les unifier? Est-ce qu'il y a vraiment un moment, un endroit où ça ne fonctionne plus? Eh oui, c'est exactement ça. Je pense que ce n'est pas de l'hubris, c'est le contraire. C'est de l'humilité, se rendre compte que les théories que nous avons ne sont pas suffisantes pour décrire ce qu'on voit. L'exemple le plus marquant, je dirais, c'est les trous noirs eux-mêmes, qui sont, comme disait Nathalie tout à l'heure, des objets magnifiques du point de vue de l'imagination. Et comme disait très justement Laurent, la science c'est basé sur l'imagination, c'est les images qui nous donnent, qui nous permettent de comprendre le monde. Or, les trous noirs, on les comprend très bien jusqu'à un certain moment. On les convient très bien au point que ils ont été prévus par la théorie avant de les voir. La forme des ondes qu'ils produisent quand ils tombent l'un sur l'autre a été calculée par la théorie avant de l'observer. Donc on a un très bon compensant des trous noirs. L'univers est plein de trous noirs. Il n'y en a pas. Quand j'étais à l'école, à l'université, mon prof me disait probablement il n'y a pas de trous noirs. Un des livres plus meilleurs de relativité générale que les livres de Weinberg sur la relativité générale, écrit dans les années 70, dit probablement il n'y a pas de trou noir dans le ciel. Bon, il s'est trompé. Il ne faut jamais croire aux livres de texte, aux profs. Ce n'était pas un relativiste. Et il n'était pas un relativiste, bravo Nathalie, c'est vrai. Les relativistes y croyaient déjà dans les années 70. Finalement, l'univers est plein de trous noirs et on les comprend très bien, mais on ne comprend pas deux choses. On ne comprend pas ce qui se passe au centre du trou noir. On voit les choses tomber dans le trou noir, oui. La théorie d'Einstein prévoit, si on peut dire comme ça, une singularité, c'est-à-dire ne marche pas, ça c'est ce que veut dire. Et on ne sait pas ce qui se passe dans le futur d'un trou noir. La théorie d'Einstein prévoit qu'ils sont à toujours, ils restent là, mais on sait que la théorie d'Einstein n'est pas fiable au centre et dans le futur parce que des effets quantiques deviennent importants. Donc c'est pas de l'hubris de la science de vouloir tout unifier, c'est qu'on sait pas des choses et on pense d'avoir des indices, comme c'est comme ça qui marche la science, pour pouvoir compléter ce qu'on connaît pas. Alors qu'est-ce qui se passe au centre du trou noir? Est-ce qu'on va dans un autre univers? Moi je crois pas. Il y a plusieurs hypothèses, plusieurs choses, plusieurs images sur lesquelles on est en train de travailler. Par exemple, aujourd'hui, avec la gravité quantique dans le monde de la gravité quantique où je vis, on est en train d'étudier la possibilité que l'intérieur du trou noir continue, mais ne continue pas dans un autre univers, il continue dans le futur. Il y a une transition quantique, une espèce de saut quantique, dans laquelle le trou noir, à un certain moment, peut-être quand il est devenu plus petit, parce qu'on pense que le trou noir avec le temps devient plus petit. Il s'évapore, moment, c'est le rayonnement de Hawking. Il s'évapore, c'est le rayonnement d'Hawking. C'est la grande contribution que Stephen Hawking a donnée à la physique théorique. Et on pense que c'est vrai, on ne l'a jamais observé, mais il y a un consensus que très probablement c'est vrai. Nathalie Derulle va avoir quelque chose à dire là-dessus dans quelques instants. Voilà. Alors, une possibilité, c'est qu'à un certain moment, il y a un phénomène quantique qui transforme un trou noir dans son inversé temporel, que c'est un trou blanc. C'est un peu comme un rebondissement. Les choses tombent dedans, rebondissent. Donc il n'y a pas vraiment une singularité, il y a une région quantique, et finalement les choses peuvent sortir de l'autre côté. Donc effectivement, il y aurait une espèce de trou de verre, mais pas dans un autre endroit dans l'univers, tout simplement les choses vont ressortir dans le futur lointain. Alors je ne sais pas si Laurent a besoin de façon de sauter dans le futur très lointain. Alors, ça a été utilisé par Stephen Baxter dans son Odyssée du temps. Ça a été utilisé dans un sens pour le coup. C'est-à-dire Juste du passé vers le futur. Je crois que c'est à sens unique. Je pense que retourner dans le futur, retourner en arrière dans le passé serait plus difficile. Nathalie Derulle, sur le rayonnement de Hawking, vous avez, alors, peut-être qu'on peut redire quand même, réexpliquer en quelques mots aux auditeurs qui sont pas forcément familiers avec ces concepts, qu'effectivement, les trous noirs, si on en parle beaucoup, c'est parce que ce sont des objets macroscopiques qui présentent, selon le rayonnement de Hawking, des propriétés quantiques, alors que le quantique, dans le sens, c'est l'infiniment petit et que la relativité générale décrit très bien, c'est l'infiniment grand. Oui, alors je fais ça là. On peut faire une parenthèse sur le rayonnement de Hawking. Qui, comme le dit très justement Carlo Rovini, est une contribution majeure de Stephen Hawking à la physique de notre temps. Mais ça ne concerne pas d'abord les trous noirs astrophysiques. Enfin, ça le concerne, mais c'est tellement faible ce rayonnement qu'on ne l'observera probablement jamais. En quoi il consiste? Vous pouvez peut-être nous expliquer pourquoi est-ce que le trou noir dont on pensait qu'il était neutre, froid, permanent, d'un seul coup, finalement, s'évapore à travers ce rayonnement de Hawking, en quelques mots. Oui, on peut dire ça peut-être d'ailleurs en quelques mots et rappeler quelques points d'histoire. Bien sûr. Quand on a commencé à comprendre vraiment les trous noirs, en tout cas les relativistes, dans la fin des années 60, au début des années 70, ils étaient noirs, c'est-à-dire qu'ils ne rayonnaient rien. Et il y avait quand même des spéculations qui étaient en cours à Princeton, c'était Jacob Bekenstein, qui avait essayé de comprendre le lien entre le fait que la surface d'un trou noir, ou sa masse irréductible, c'est la même chose, ne pouvait qu'augmenter, que donc il fallait peut-être associer ce qu'on appelle une entropie, qui est un concept de thermodynamique qui elle-même ne peut qu'augmenter quand un système interagit avec son environnement. Et il avait donc fait ce lien. Et il y a eu, en 1972, une école aux Zouches, cette école des Zouches près de Chamonix, créée par... Non, 72, je n'étais pas née, entre guillemets, par Cécile de Witt, où se sont retrouvés les grands noms de l'époque, en particulier Jacob Bekenstein, Stephen Hawking, Jim Bardeen et Brandon Carter. Et ils se sont beaucoup disputés à cette école. Jacob Bekenstein, d'ailleurs, en a gardé un souvenir un petit peu amer, parce que l'école de Cambridge, qui étaient les trois autres, et américaine, ne croyait absolument pas à son idée d'entropie. Parce que, disait-il, un trou noir est noir et ne rayonne pas. Donc chacun est rentré chez soi en comprenant cette position. Mais là, Hawking a réfléchi à l'affaire. Et il s'est dit, peut-être qu'il rayonne, mais pour rayonner, il faut que je vois comment la matière quantique se comporte dans le champ d'un trou noir. Donc, il a mis de la matière, un petit peu de matière, mais quantique, près du trou noir. Et là, il s'est aperçu, on peut interpréter ça de mille manières différentes, mais de manière imagée, mais qui n'est pas technique, c'est de dire que il y a des... Le vide claque, si vous voulez, il y a des paires particules-antiparticules qui se créent. Ça, c'est le vide quantique. Hein. C'est le vide quantique qui claquerait en un sens autour de l'horizon. L'image n'est pas parfaitement rigoureuse scientifiquement, mais enfin, elle est bonne quand même. Une partie tombe dans le trou noir et l'autre s'en va. Et le trou noir rayonne. Et ce qu'il a trouvé, surtout techniquement, c'est qu'il rayonnait comme un corps noir. Un corps noir, c'est un objet vraiment de thermodynamique. Et donc, ça a mis tout en place. Donc, ces trous noirs rayonnent, mais comme c'est un phénomène quantique, ils ne peuvent rayonner de façon considérable que s'ils sont tout petits eux-mêmes. Or, des tout petits trous noirs microscopiques, on n'en a encore jamais vu. On espère peut-être que certains ont été créés au tout début de l'univers, on appelle ça les trous noirs primordiaux. On cherche à détecter leur rayonnement dans le ciel, mais pour l'instant, on n'a rien vu. Donc le rayonnement de Hawking est conceptuellement très important, mais pour l'instant, il n'y a pas de preuve expérimentale. Et il n'y a aucune preuve expérimentale de gravité quantique. Il n'y a aucun indice expérimental. Pour autant, c'est la première formalisation, je me retourne vers vous, Carlo Rovelli, c'est la première formalisation d'un objet qui serait à la fois relativiste et quantique en même temps, ou qui aurait des propriétés qui empruntent aux deux théories. Oui. Exactement, c'est ça tout l'intérêt de du rayonnement d'Hawking. C'est pas un intérêt astrophysique, comme dit Nathalie, on n'a aucune espérance de voir cette radiation maintenant, mais on a un objet sur lequel on arrive à dire des choses qui semblent raisonnables et qui a des propriétés de gravité quantique. Et c'est un premier pas, hein, c'est pas ça la théorie de la gravité quantique, mais toute théorie de gravité quantique doit retrouver ça et compléter ça. Parce que, comme disait Nathalie, la théorie de Hawking, ce n'est pas une théorie de gravité quantique, la théorie sur le rayonnement de Hawking, parce que finalement, c'est un trou noir classique avec de la matière quantique qui agisse et donc a un effet sur le trou noir dans la théorie. Chose différente, c'est les propriétés quantiques de l'espace-temps lui-même, qui est la partie, je dirais, la plus fascinante, la plus magique de toute l'histoire. Parce que nous avons l'habitude, avant la théorie d'Einstein, de penser à l'espace et le temps comme quelque chose de fixe, là, qui ne bouge pas. Einstein nous a appris, avec la grande surprise, de toute la civilisation, à changer notre façon de voir l'espace et le temps. L'espace et le temps, maintenant, ce sont des objets qui peuvent... qui sont flexibles. Le temps peut aller des vitesses différentes. C'est possible de partir pour un voyage, rentrer et trouver son fils qui est plus vieux que nous. Je peux partir pour un voyage, retourner et ma petite fille est plus vieille que moi, comme dans un film célèbre. Dans Interstellar. Interstellar, oui. Ou dans Alien. Interstellar, le consultant scientifique était Kip Thorne. Donc ce sont des choses maintenant qu'on connaît, on contrôle. C'est pas de la science-fiction là, c'est quelque chose de sûr. Mais quand même, en relativité générale, l'espace et le temps sont toujours, même si flexibles, sont toujours des choses, comme je pourrais dire, bien définies. L'image qu'Einstein a utilisée pour l'espace-temps, c'était celle d'un grand mollusque dans lequel nous sommes immergés, qui peut se tordre, compresser, et un peu flexible. Mais c'est quelque chose de classique, entre guillemets, dans lequel nous sommes immersés. Or, si nous allons vers la gravité quantique, donc vers ces efforts de comprendre comment les propriétés quantiques de l'espace et de l'étang, quels sont les effets quantiques sur l'espace et l'étang, ce temps comme ça et cet espace comme ça n'existent plus. Parce qu'il prend de tous les étranges propriétés des objets quantiques. Donc l'espace même a des propriétés quantiques. Comme un électron peut passer par deux trous, l'espace même peut avoir deux formes en même temps, dans quelque sorte. Donc quand on va au centre du trou noir, ce qu'on s'attend, c'est que là, il n'y a pas vraiment l'espace usuel. Il y a une sorte de nuage de probabilités d'espaces différentes. Et voilà, une autre propriété typique des objets quantiques, c'est qu'ils sont discrets. La lumière qui est décrite par les équations de Maxwell est faite des photons, des petites graines. Donc, dans la théorie dans laquelle je travaille... Sur la gravitation quantique à boucle, l'espace est fait des petits grains, des petits morceaux, des quanta d'espace. Et voilà. Est-ce que on est sûr de ça? Ben pas du tout, évidemment. On n'a pas des mesures directes de gravité quantique sur lesquelles on peut construire, mais on a ces théories très efficaces qui sont la relativité générale d'un côté et la mécanique quantique de l'autre, qui sont une guide pour chercher de construire cette théorie qui unifie ces deux morceaux. Et on a plein d'indices indirects, parce que la nature nous parle, nous dit des choses. Par exemple, il y avait des tentatives de construire une gravité quantique en utilisant une idée qui est la supersymétrie, et plein de gens s'attendaient que la supersymétrie soit vérifiée, soit observée au CERN, au grand accélérateur des particules. On ne l'a pas observée. Donc cela nous dit, ben, peut-être que ce n'est pas la bonne direction. La supersymétrie, ça appartient à l'autre grande théorie ou tentative d'hypothèse autour de la gravitation quantique, qui est la théorie des cordes. Voilà. Qui est la théorie concurrente des cordes. De la vôtre. Justement, peut-être oui. Que je pourrais... j'aimerais dire un mot peut-être d'abord de Laurent Genefort, dont je vois qu'il prend des notes, et je trouve ça intéressant parce que j'imagine que tout ce qui se dit là, ça vous donne des pistes. Ça nourrit un imaginaire. Oui, bah sur le trou noir, il y a une longue histoire entre le trou noir et la science-fiction. Alors, en fait, la science-fiction, d'abord, elle a popularisé quand même le trou noir auprès du grand public, mais j'allais dire pas sur des bonnes bases. Le plus souvent, ça a été le trou noir. Il a été vu ceux qui se rappellent d'avoir vu le film de Disney, enfin produit par Disney, The Black Hole, le trou noir, en 79, je crois. Et puis une sorte de remake officieux qui était Event Horizon. Qui est une autre adaptation de Solaris, par ailleurs, de Tarkovsky, qui est un peu une libre interprétation de Solaris, qui est un de mes grands films favoris ever. Et là, pour le coup, le trou noir, il est vu dans le film de Disney comme une sorte de grand aspirateur cosmique, et qui a perduré dans la vision populaire, en fait, du trou noir, mais qui est finalement aussi fausse que celle du modèle atomique, enfin du modèle système solaire de l'atome qui était en usage au début du XXe siècle et qui a aussi popularisé la SF. C'est-à-dire des électrons qui tournent autour du noyau. Du noyau. Donc ça a été invalidé, et ça, clairement, on le voit plus. Voilà. Il y a eu au début du XXe siècle des récits comme La fille dans l'atome d'or, où un personnage se fait réduire et il va chercher une fille sur un électron qui est du coup une planète, une véritable planète. Bon, ça, ce genre de truc, on peut plus faire, heureusement. Mais d'autres visions populaires, en fait, d'un objet aussi complexe que le trou noir perdurent, bah parce que d'abord c'est un objet qui est très intéressant, parce que finalement il y a deux choses dans le trou noir. Il y a l'horizon des événements et il y a la singularité elle-même, en fait. C'est deux choses différentes, puisque finalement c'est juste que entre cette singularité qui était une sorte d'infini et donc quelque chose qui est pas acceptable pour nous, et puis notre univers, il faut une interface finalement. Et ces deux objets en un, il y a cette espèce de vertige de l'infini qui, nous, auteurs de SF, on aime bien scolter à ça, quoi. Nathalie de Ruel, je vous voyais sourire à l'évocation de l'atome d'or, parce que ça vous rappelle quelque chose. Oui, en fait, ça montre un autre aspect de la science-fiction, c'est que ça, quand on lit un livre de science-fiction du passé, Jules Verne ou le livre auquel vous faisiez allusion, on entend parler la science de l'époque. Donc, c'est, la science-fiction est un relais extraordinaire et capital pour présenter au grand public la science du temps. Même si elle se base sur des idées les plus farfelues, entre guillemets, de la science du temps, mais en fait, elle décrit la science de l'époque. En particulier, c'était ce modèle planétaire de l'atome, c'est tout à fait le début du XXe siècle. Oui, mais oui. Et on a nos doudous, hein. Nous, c'est le chat de Schrödinger, par exemple. Oui. On a nos objets fétiches qui sont ceux de la science. On a le Big Bang, qui a été abondamment traité aussi. Dont on va parler dans un instant, d'ailleurs, puisque l'unification, la gravitation quantique. Je voulais revenir un petit peu sur le point central. Dans votre introduction, vous avez dit que les physiciens cherchaient à décrocher la timbale. On pourrait parler du Graal. Aussi. Et donc, ça peut être même un peu plus élégant que la timbale. Mais dans le sens où le Graal existe-t-il ? C'est quelque chose que l'on cherche, mais est-ce qu'il existe ? Et le Graal en question, Carlo a bien fait de le limiter à cette question de unifier, si possible, gravité et physique quantique. C'est un espoir qui a 100 ans déjà, hein, ou presque. Ce sont les deux piliers de la physique du XXe siècle et ça fait 100 ans que l'on se questionne. Et il y a plusieurs pistes qui ont été suivies. Il y a une piste qui était celle d'Einstein, en fait, qui a été de se dire la gravitation est quelque chose de très spécial, comme le disait Carlo Rovelli. Ce n'est pas vraiment une interaction, une force comme les autres. C'est la texture de l'espace et du temps. Donc c'est très, très différent conceptuellement. Et Einstein a cherché à géométriser, à faire rentrer dans la texture de l'espace et du temps, les forces qu'à l'époque c'était surtout l'électricité, le magnétisme. Et il a cette quête qui est encore poursuivie de nos jours, pour l'instant n'a pas encore vraiment percé. L'autre façon d'essayer d'unifier ces deux piliers, ça a été de dire oh ben on va dégéométriser la gravitation. Et la théorie des cordes, qui est très très active, et je pense que Carlo sera d'accord avec moi, c'est un peu dégéométriser la gravitation pour essayer de la faire rentrer dans le cadre de ces deux ou trois interactions qui, elles, sont unifiées dans le modèle standard étendu. Mais ces deux pistes-là sont poursuivis activement. Il y a d'autres idées qui s'appellent correspondance, EDS, CFT, enfin peu importe, il y a quantité de pistes. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est plutôt une explosion du domaine. Et là, tout le monde part dans des pistes. Il y a la piste de la loop quantum gravity, qui est celle de... De la gravitation quantique à boucle de Carlo Rovelli, notamment. Excusez-moi, j'aurais dû le dire en français. Non, c'est pas grave. Qui est une piste peut-être la plus proche de l'esprit de... initiale d'Einstein, peut-être. Mais il y a quantité d'autres pistes, on va dans toutes les directions, et un des problèmes, je vois deux raisons à cette explosion. La première, c'est qu'il n'y a aucune base expérimentale. Les deux piliers, c'est... Einstein avait construit ses théories un peu avec des bases conceptuelles, mais il y a eu l'avance du périhélie de Mercure, il a pu l'expliquer, et c'était la plus grande émotion scientifique de sa vie. Ça justifiait qui ses yeux la relativité générale. Ça justifiait à ses yeux cet immense projet de géométriser la mécanique quantique. Alors elle croulait sous les expériences et s'est bâtie de son côté. Mais pour l'unification des deux, jamais personne n'est rentré dans un trou noir pour aller voir ce qui se passe près de la singularité nue. En tout cas, personne n'en est revenu. personne ne pourrait en revenir. Et l'autre problème que je vois. C'est un problème de mathématiques. Parce que, en fait, les deux piliers du XXe siècle, si ces deux théories ont pu se développer, c'est parce qu'il y a eu une espèce de miracle, que les mathématiques les plus avancées de l'époque, que ce soit la géométrie des espaces courbes d'un côté, ou la théorie des opérateurs, des matrices, etc. de l'autre, étaient suffisamment mûres et ont pu se marier avec les idées conceptuelles des physiciens. Actuellement, dans cette quête de ce Graal, il y a des problèmes de mathématiques. Est-ce qu'on a les outils mathématiques nécessaires ? C'est une vraie question, je pense. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous poursuivons notre quête d'unification de la physique tout au long de cette heure pour cette quatrième émission de fin d'année qui cherche à faire un peu de prospective et de faire dialoguer ensemble scientifiques et auteurs. Nous avons avec nous ici à Paris Nathalie Deruel qui est directrice de recherche émérite au laboratoire astroparticules et cosmologie de l'université Paris Diderot, également affiliée au Yukawa Institute à Kyoto au Japon, et Laurent Genefort, auteur de science-fiction. On peut citer voilà surtout votre grande œuvre, le cycle d'Aumale qui est chez De Noël en grand folio SF en poche. Et puis, nous sommes en duplex depuis Venise avec Carlo Rovelli qui est directeur d'une équipe de recherche de gravitation quantique au sein du Centre de physique théorique d'Aix-Marseille Université. Alors, on arrive justement, on parlait, peut-être j'aimerais vous entendre sur, puisqu'on a parlé du rayonnement d'Hawking, de quelque chose qui va intéresser également beaucoup la science-fiction et qui est l'un des points qui peut justement marier cette relativité générale et la physique quantique, c'est la question de l'intrication des particules qui pourrait du coup se retrouver au niveau macroscopique autour d'un trou noir. Et on dit, j'avais trouvé cette citation qui vient d'un physicien dont vous allez certainement évoquer les travaux dans quelques instants, Juan Martín Maldacena, qui disait: une compréhension approfondie de cette relation entre intrication et trou de ver aboutira peut-être à une piste pour unifier la physique quantique et la relativité générale. Carlo Rovelli, intrication quantique et trou de ver, c'est une des pistes justement de cette éventuelle future unification? Je ne pense pas, avec tout le respect pour Juan Maldacena, qui est un grand scientifique et quelqu'un de très sympa aussi, personnellement. Je pense que, comme disait Nathalie, on a beaucoup de pistes pour chercher la gravitation quantique, mais finalement pas si beaucoup. Il y a des idées, évidemment. Quand on a un problème qui n'est pas résolu, c'est bien qu'il y a plein de gens qui produisent des idées. Non, ça, c'est pas un signe de mauvaise science. Au contraire, c'est un signe de science active. On n'a pas résolu le problème, donc il faut regarder partout. Quand on n'a pas trouvé les lunettes, et on cherche partout. En général, on ne la trouve pas sous le réverbère. Exactement, en général. Voilà. Alors, moi, je suis beaucoup moins pessimiste que Nathalie, d'ailleurs. C'est vrai que c'est un siècle qu'on cherche la gravité quantique. Einstein a écrit ses équations, les célèbres équations d'Einstein, que c'est un des grands triomphes de la science, je dirais, en 1915. Et en 1916, il a écrit un article dans lequel il dit, ma théorie de la gravité, qui est certainement très belle, ne peut pas être la théorie finale parce qu'il y a la mécanique quantique. Et c'est le premier énonciation du problème de la gravité quantique en 1916. Donc effectivement, c'est un siècle, 102 ans que ça existe. Et comme disait Nathalie, il y a deux pistes majeures, qui est celle suivie par les relativistes, comme moi, comme Nathalie, qui est basée sur l'idée de prendre au sérieux la théorie d'Einstein. Einstein nous a dit que l'espace-temps, ce n'est pas l'arène dans laquelle se passent les choses du monde, mais c'est un des acteurs. Donc c'est quelque chose qui bouge lui-même et qui doit avoir des propriétés quantiques. Donc tout est quantique, même l'espace-temps. Et l'autre piste, c'est un peu d'oublier ça, dégéométriser la gravité, penser que l'espace est l'espace et la gravité c'est quelque chose quand même qui se passe dans l'espace. Est-ce qu'on est dans le noir? Non, je ne pense pas qu'on est si dans le noir, pour deux raisons. Une, c'est que la physique dans l'histoire a fait des pas majeurs exactement dans cette situation, qu'on avait deux grandes théories qui marchent mais qui ne collent pas. Einstein avait pas vraiment beaucoup de données majeures. C'est vrai qu'il avait Mercure, mais Mercure, c'était une... Personne ne payait beaucoup d'attention au Mercure. Ah non, je suis désolée. Non, personne ne pensait que nécessairement Mercure, c'était une contradiction de la théorie de Newton. Il y avait plein de d'explications possibles. Mais surtout, Einstein avait l'idée très claire que la théorie de Newton et sa relativité restreinte n'étaient pas compatibles. Donc il fallait changer en profondeur quelque chose pour les mettre d'accord. Et il y a eu, si on pense à Copernic, Copernic n'avait pas de nouveaux données par rapport à la grande astronomie ancienne. Il construit essentiellement sur les grandes quantités de données qui sont dans le livre de Ptolémée qu'il avait, etc. Même Maxwell, finalement, il construit sur les résultats de Faraday, évidemment, qui était... Maxwell pour l'unification de l'électromagnétisme. Et voilà, mais son travail, c'est un travail essentiellement théorique. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin d'expérience. Évidemment, on a besoin d'expérience. Mais je suis en train de dire que la science évolue dans deux façons. Ou bien avec des expériences qu'on ne comprend pas, et donc on se focalise sur ça. Ou bien sur la base des contradictions qui existent dans la théorie, dans ce qu'on connaît, pour développer des idées nouvelles, qui ensuite on teste avec des expériences. Et surtout... C'est pas vrai qu'on ne progresse pas. J'ai fait l'exemple de la supersymétrie, j'ai fait un autre exemple. Il y a une dizaine d'années, peut-être plus, il y a eu un grand enthousiasme pour l'idée que peut-être on pouvait faire de la gravité quantique avec un certain type de théorie qui avait la propriété, alors là je dis une chose un peu technique, de briser l'invariance de Lorentz. C'est-à-dire de n'avoir pas la symétrie qu'on s'attend, qui est caractéristique de la relativité restreinte. Et ben pourquoi je dis ça? Parce que il y a eu des centaines de papiers qui sont sortis, on fait la gravité quantique comme ça, super, peut-être ça peut marcher. Et bien de suite, les astronomes ont dit, mais on peut tester la brisure de l'invariance de Lorentz. Et il y a eu un grand travail expérimental. Finalement, on sait aujourd'hui que, au moins dans un certain sens, l'invariance de Lorentz n'est pas brisée à l'échelle que on s'attendrait pour faire la gravité quantique. Donc finalement, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui suivent cette théorie, cette direction-là. Donc il y a des directions qui se renferment, qui meurent. Il y a d'autres idées qui sont jetées là, il y a quelques papiers, un petit groupe qui travaille sur ça. Il y a plusieurs Nathalie théories Dorian. Qui meurent chaque jour, presque. Et oui, il y a plusieurs théories qui meurent chaque jour. Le cimetière des théories d'unification. Donc, c'est bien ça. C'est une espèce de darwinisme des théories. Et c'est là où je pense qu'il faut vraiment... faire attention aux expériences. Et une des questions, c'est quelles pourraient être les expériences cruciales. Voilà. Et il y en a une, je pense à une. Nathalie Doriel. Et là, celle à laquelle je pense, c'est le fondement de la géométrisation de la gravitation. C'est que masse grave égale masse inerte, c'est-à-dire que tout tombe de la même façon du haut de la tour de Pise, même si Galilée n'a pas fait exactement cette expérience. Alors, il y a eu un satellite qui a été lancé, et l'invariance a été respectée. Exactement. Le principe de l'invariance, pour le moment. Mais ça, c'est le point crucial. Et si vous voulez, il arrivera bien un jour où on s'apercevra que les corps ne tombent pas tous de la même façon. Mais ça sera une très grande précision. Il y a des résultats de microscope qui datent de quelques mois, qui ont confirmé que tout tombait de la même façon. À 10-16 de précision, je crois. 14 ou 16, je ne sais plus, mais enfin une précision extraordinaire. Très... C'est une des expériences les plus précises de la physique. Et donc, il est important d'aller de l'avant, parce que si le jour où on trouvera ça, alors à ce moment-là, ça voudra dire que la géométrisation de la gravitation est problématique. Il y a d'autres expériences cruciales que l'on peut faire. C'est du côté de la physique des particules. Il y a le modèle standard qui a été couronné par la découverte du boson de Brout-Engler-Higgs. Quelles sont vraiment ses propriétés? Et ça, c'est tout l'avenir de la physique des particules. Et ça va être très très important dans cette quête d'unification. Et là, la physique des particules, puisque comme le dit très justement Carlo Rovelli, la supersymétrie semble un petit peu évanescente, que faire? Et c'est le grand débat actuellement. Quel type d'accélérateur on va faire? Le CERN ne sait pas trop quoi faire. Et il y a des projets de construction de collisionneurs linéaires pour explorer la physique de Higgs, pour savoir comment ouvrir des portes. N'oublions pas que le fameux boson de Higgs, c'est lui qui donne les masses des particules, leur masse inerte, donc aussi leur masse grave en principe. Donc il y a une unification possible là. Un autre aspect expérimental, parce que je crois qu'il faut insister là-dessus, c'est les messagers qui viennent du ciel qui nous... Oui. Et il y a les ondes gravitationnelles, pour l'instant, qui couronnent la relativité générale classique magnifiquement, tout marche très très bien, mais c'est une science balbutiante, la science des ondes gravitationnelles. Et peut-être on trouvera que des choses nouvelles. Il y a un autre messager du ciel qui est très important, ce sont les neutrinos. De haute énergie, notamment. Et les neutrinos, ce sont des messagers du ciel particulièrement intéressants, je trouve, et donc il faut développer cette physique observationnelle expérimentale, parce que c'est une particule dont on ne connaît pas encore parfaitement les propriétés, mais qui, donc, en les observant en provenance du ciel, on peut apprendre des choses sur les sources de ces neutrinos, mais aussi peut-être sur les neutrinos eux-mêmes. Donc, il faut essayer de s'ancrer dans des expériences cruciales à venir. Vous dites qu'il y a une possibilité, peut-être encore expérimentale ou observationnelle, d'ouvrir de nouvelles portes, ou en tout cas d'accéder peut-être à cette possibilité d'unifier. Karl Rolli, avant de vous entendre, j'aimerais redonner la parole à Laurent Lennefort, refaire un petit crochet par ce que ces débats passionnants peuvent ouvrir pour la science-fiction. Je parlais de l'intrication tout à l'heure, je reviens un peu dessus, parce que l'intrication, Laurent Lennefort, c'est un concept intéressant en science-fiction, notamment dans ce film, qui est un autre film que j'aime beaucoup, qui est un petit film de science-fiction très malin, assez intelligent, de James Ward Birkitt, qui s'appelle Cohérence. Écoutez bien cet extrait. These are Brian's notes from his lesson plan for his class. Decoherence and Schrödinger's cat. He talked about this. Do you guys know what Schrödinger's cat is? I'm allergic. So it's a thought experiment. There's a cat in a box that has like a 50-50 chance of living because there's a vial of poison that's also in the box. So regular physics would say that it's one or the other, that the cat is either alive or dead. But Brian would argue that quantum physics says that both realities exist simultaneously, and it's only when you open the box that they collapse into a single event, right? So listen to this. This is what he's written. There is another theory that two states continue to exist separate and decoherent from each other, each creating a new branch of reality based on the two outcomes. Quantum decoherence ensures that the different outcomes have no interaction with each other. Voilà, la décohérence quantique, que se passe-t-il si à un moment donné, eh bien, voilà, ce ne sont plus des particules qui sont désintriquées, mais ce sont deux réalités différentes qui donnent lieu donc ensuite à des multivers, etc. Laurent Genefort. Oh bah ça c'est pareil, hein, c'est un peu c'est un trope de la SF moderne que d'imaginer. On l'a assez bien intégré, le multivers quantique. C'est quelque chose qui est assez souvent utilisé maintenant. La SF, elle teste les limites et elle rend observationnel ce qui ne l'est pas encore ou ce qui ne le sera jamais. Et finalement, c'est là où c'est une expérience mentale intéressante. Et c'est pour ça aussi que c'est ludique. C'est qu'on peut se permettre de prendre des choses intéressantes. En ce qui concerne la physique quantique, on l'a utilisée assez tard, en fait. Hein. Les récits de science-fiction s'y intéressent plutôt après la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Une fois que ça a été intégré, souvent... pas souvent très bien d'ailleurs, hein. Mais ça a été intégré, mais sans prendre par exemple le caractère de l'échelle. La décohérence, elle est venue, c'est quelque chose qu'on a intégré tard d'ailleurs. Mais la question de l'observateur a été pris au pied de la lettre, par exemple, par la science-fiction. Par exemple. Par exemple, dans l'image du chat de Schrödinger, le chat, c'est juste une particule, et l'observateur n'est pas un forcément humain. C'est un appareil, ou c'est juste en fait l'interface avec le reste du système de l'univers, en fait. C'est ça l'observateur. Nous, on l'a pris au pied de la lettre, littéralement. C'est-à-dire qu'il faut un observateur humain pour que ça prenne corps, enfin que ça se coagule entre guillemets et que ça prenne sa valeur tout court. Sort de la potentialité, en fait. Vous êtes venu avec plusieurs romans, notamment Greg Egan. Et c'est vrai que Greg Egan est quelqu'un qui a vachement travaillé sur ce domaine de la hard science, et justement sur des concepts qui sont très appliqués à la physique théorique. Alors sur la physique quantique, oui, il l'a fait avec Isolation, qui est basé là-dessus, en fait, sur la notion d'observateur. Un autre roman qui traite, dont l'enjeu est presque le personnage principal, c'est la théorie du tout. où vraiment c'est la théorie qui est au centre, qui va déterminer même la fin du roman, l'issue du roman, c'est L'énigme de l'univers, en anglais Distress, qui est un roman déjà ancien, qui date de 1995, où le héros est un journaliste scientifique et il va sur une île qui s'appelle Anarchia, et il va assister au colloque où doit être révélée la théorie du tout, justement. Peut-être un mot, il nous reste une dizaine de minutes avant de conclure cette émission. Aujourd'hui, qu'est-ce que... Alors, faisons justement un peu de prospective pour conclure, si vous le voulez bien. La quantification de la gravité, quelle est la nouvelle perspective scientifique, physique que ça ouvre, Carlo Rovelli? C'est-à-dire que le jour où on a une preuve observationnelle, le jour où on a en tout cas une théorie qui est unifiée, qui est acceptée par la communauté scientifique, qu'est-ce que ça va nous permettre de mieux comprendre? Qu'est-ce que ça va nous permettre de mieux envisager du monde de la réalité? Alors moi je dirais trois choses séparées. La première, c'est très concrète. On ne sait pas ce qui se passe au centre du trou noir, on va le savoir. C'est pas un endroit magique ou mystérieux, c'est un endroit que nous n'avons pas compris, tout simplement. Ou bien, on ne sait pas qu'est-ce qui se passait au Big Bang. Est-ce qu'il avait un univers précédent? Est-ce que tout a commencé là? Est-ce qu'on ne peut pas parler de temps là? Le jour où on a une théorie, on va le comprendre. Et le comprendre, ça veut dire aussi qu'on aura des prévisions. Sur des observations cosmologiques, sur le fond de diffusion, sur des signaux qu'on reçoit, qu'on ne connaît pas, par exemple les fast radio bursts, alors je ne sais pas comment on dit en français. Les explosions de rayons gamma rapides, c'est ça? C'est pas dans le gamma, c'est dans le radio. Ah, c'est dans la radio? C'est dans la radio, des sursauts. Des sources de radio rapides. Voilà, des choses comme ça, qui sont des objets très mystérieux. On a une hypothèse que ce sont... Enfin, de là à dire qu'on va trouver des traces de gravité quantique là, c'est un saut conceptuel. C'est un saut conceptuel qu'on a fait. Et donc, il y a plein de groupes, de travaux sur ça. Aujourd'hui, à Florence, aujourd'hui, hier, demain, il y a une conférence sur LISA, le détecteur des ondes gravitationnelles dans l'espace, qui est un très beau projet en cours. Et un des thèmes de la conférence, c'est est-ce qu'on a des effets de gravité quantique qu'on pourrait peut-être observer? Il y a des hypothèses. Rien de prouvé pour le moment. Mais justement, Nathalie insiste sur ça, avoir de la gravité quantique, ça veut dire avoir une théorie qui fait des prédictions avec des observations. Et moi, je suis très confiant que cela va venir. On ne l'a pas encore, mais on va venir. Ça, c'est la première chose. Mais ce n'est pas ça la chose la plus intéressante, peut-être, parce que les prédictions servent pour avoir confiance dans une théorie, non? La prédiction d'Einstein et de Mercure, ça a été énorme parce que nous a donné confiance de la théorie. Mais finalement, c'est pas très intéressant que Mercure bouge tout petit peu différent que... C'est capital. C'est capital. Bah, c'est la preuve observationnelle que la relativité générale fonctionne, voilà. Et que Newton en est un cas particulier, c'est ça, quand même. C'est ça l'intérêt, non? C'est ça l'intérêt, c'est de nous dire que l'image, les idées, les spéculations énormes d'Einstein, finalement, ont un fondement. La réalité peut être comprise dans cette façon-là. Alors, le jour où on aura une gravité quantique croyable, et j'espère que ce ne soit pas très, très longtemps, on comprendra que le monde est différent de ce qu'on avait pensé. Du point de vue de le temps, de l'espace et de l'observation aussi, ce que Laurent venait de dire, c'est pas seulement une particule qui peut être dans deux endroits, c'est pas seulement un chat qui en principe peut être vie et mort, le célèbre chat de Schrödinger, mais c'est l'espace-temps lui-même qui peut être dans des superpositions quantiques de différentes configurations. Cela veut dire en particulier que la façon dont nous pensons à l'espace, et surtout nous pensons au temps, change. Mon dernier livre, L'ordre du temps, c'est tout sur ça. C'est-à-dire, dans la gravité quantique, alors, entre les théories développées, hypothétiques, il y a la gravité quantique à boucle, on a une page d'équation qui est la définition de la théorie, donc il y a une mathématique bien définie, claire, qui définit la théorie, mais derrière, il y a une image. Et une des caractéristiques de ces équations, qu'il n'y a pas une variable temps. Donc le temps, ce n'est pas une des bases en termes desquelles penser à la réalité. Et là, c'est le temps émerge comme l'espace, seulement à des échelles classiques, macroscopiques, plus grandes que l'échelle de Planck. Ça va être une grande révolution conceptuelle. comme l'a été la réalité générale, comme l'a été avec Copernic, de comprendre que la Terre n'est pas au centre de l'univers. Et lentement, je pense, ça changera notre façon de penser le monde. Nathalie Deruel, qu'est-ce que alors, ça changerait le jour où la gravitation quantique... J'ai dit au début que c'était un Graal. Donc supposons qu'on l'atteigne et qu'un jour on ait une formule, enfin une théorie, qui unifie gravité et physique quantique, ce qui est mon rêve, comme celui de Carlo et de tous les physiciens de la partie, ça c'est certain. Donc supposons que ça arrive. À ce moment-là, la question deviendra, et quid du reste de la physique ? La physique, c'est pas uniquement la gravité d'Einstein et le modèle standard des particules. Il y a la physique de la matière condensée, il y a la physique qui s'applique à la chimie, il y a l'interface avec la biologie. Et là, la grande famille de la physique est devenue, est une tour de Babel. Quand je lis un article de physique de la matière condensée de théorie, je n'y comprends rien. C'est un autre langage, d'autres images. Donc il faudra, si le jour on aura cette fameuse théorie, eh bien que cette structure mathématique, logique, ce discours mathématique sur la science, pour reprendre le mot de Galilée, eh bien, couvre toute la physique. Et on peut imaginer d'autres unifications de la physique. On n'a pas voulu en parler parce qu'il fallait restreindre notre propos, sinon on serait parti dans toutes les directions. C'est par exemple, l'interface avec la biologie, avec la vie. Ça, c'est un très, très grand mystère. Je suis sûre que la science-fiction peut ouvrir des pistes pour faire parler l'imagination. Et il y a un autre point sur lequel je voudrais finir, c'est comment va-t-on faire de la physique dans l'avenir ? Jusqu'à présent, nous avons cité des grands noms. On a beaucoup cité Einstein, par exemple, Schrödinger, Stephen Hawking, etc. Mais la science est en train de se faire de façon un peu différente, parce que nous sommes plus quelques personnes disséminées dans le monde, nous sommes des milliers, des milliers, des milliers, des dizaines de milliers. Et est-ce que cette unification viendra d'un autre Einstein, c'est-à-dire d'un individu ou d'un groupe d'individus particuliers, ou alors émergera de cette ruche d'abeilles qui sont ces centaines de milliers de physiciens? Et donc, à ce moment-là, ça sera une espèce de théorie qui émergera, ce qu'on appelle... Bottom-up. Exactement, vous me l'avez enlevé de la bouche. Donc voilà, est-ce que le Graal, on l'atteindra ? Si on l'atteint, à ce moment-là, il faut que cette structure mathématique, ce discours sur le réel, descende toute la pyramide. Il ne faut pas oublier qu'un discours mathématique, ce n'est qu'un discours parmi d'autres, et ça n'est plus certainement pas le réel, Edin. Et ensuite, comment fera-t-on de la science dans l'avenir ? Laurent Genefort, pour le mot de la fin, quand on entend Carlo Rovelli nous promettre des états superposés de l'espace-temps, ça ouvre des pistes gigantesques pour une science-fiction unifiée. En fait, tout ce qui ouvre des territoires nouveaux est bienvenu. Surtout quand la Terre est arpentée et un peu épuisée, on va dire. Voilà, tout territoire nouveau, qui soit spéculatif, enfin qui soit territoire au sens mental, hein, pas seulement physique, mais dans les concepts, c'est bienvenu. Par contre, j'espère qu'il y aura encore des savants fous dans leur coin. Il en faut, mais il faut qu'il se fasse de la vraie science et pas de la pseudo-science. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. Merci Carlo Rovelli d'avoir été avec nous en duplex depuis Venise. Je rappelle votre livre L'Ordre du Temps, c'est édité chez Flammarion. Merci beaucoup Nathalie Deruel, vous êtes co-autrice avec Jean-Pierre Lazetta des ondes gravitationnelles, c'est chez Odile Jacob. Merci encore à Laurent Genefort d'avoir été également avec nous. On peut citer évidemment l'indispensable cycle d'Omal qui est un très beau cadeau de Noël puisque nous sommes dans la période des fêtes. N'hésitez pas à l'offrir, c'est chez De Noël et Folio, mais aussi Point Chaud chez Bélial ou au Livre de Poche, et puis toute votre bibliographie qu'on va mettre évidemment comme chaque jour sur le fil Twitter de l'émission. Merci beaucoup à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Tom Mdenstock, Mathieu Lefrançois, Noémie Leguette Saint-Villefranc, Céline Lezen, c'est Olivier Bétard qui était à la réalisation et Olivier Dupré à la technique. Demain, bien, ce sera notre dernière émission de la semaine. Vous qui n'avez pas eu la chance d'assister au Festival des Utopiales à Nantes cette année, soyez soyez réconfortés, vous pourrez entendre l'entretien que m'a accordé Christopher Priest, grand auteur de science-fiction britannique, qui a écrit entre autres Le Prestige, mais aussi toute une œuvre de science-fiction autour d'un archipel du rêve, très poétique, très mélancolique, bref, passionnante. C'est demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.